Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ Jésus, grâce soit à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Nous ayant prédestinés à l'adoption, ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptés dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, lequel il a déterminé en lui-même, afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps, il puisse réunir en un toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui, en qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés, selon le dessein de celui qui accomplit toutes choses, selon le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers mis notre confiance en Christ, en qui aussi vous vous êtes confiés, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour envers tous les saints, je ne cesse de remercier Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre intelligence étant éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et quelle est l'excessive grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de sa grande puissance, qu'il a manifestée en Christ, quand il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa main droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et puissance et pouvoir et domination et de tout nom qui est nommé non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être la tête sur toutes choses à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 2. Et il vous a vivifié, vous qui étiez morts dans vos transgressions et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, entraînés par le courant de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance, parmi lesquels nous marchions aussi dans les temps passés, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour avec lequel il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ. Par grâce vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que, dans les âges à venir, il puisse montrer les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous à travers Christ Jésus. Car par grâce vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, étant autrefois gentils dans la chair, qui êtes appelés incirconcision par ceux qui sont appelés la circoncision faite dans la chair par l'homme, que vous étiez à ce moment-là sans Christ, n'étant pas citoyens de la communauté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez parfois, autrefois, éloignés, vous avez été rendus proches par le sang de Christ. Car il est notre paix qui des deux en a fait un et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous, ayant aboli en sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements, qui consistait en ordonnances pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, faisant ainsi la paix, et qu'il puisse réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant de cette manière tué l'inimitié. Et il est venu et a prêché la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres, par un seul esprit, accès au Père. C'est pourquoi maintenant vous n'êtes plus ni étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit en un temple saint dans le Seigneur. En qui vous aussi êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens chapitre 3. Pour cette raison, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, gentils, si vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce de Dieu qui m'est donnée envers vous, comment par révélation il m'a fait connaître le mystère, comme je l'ai écrit précédemment en peu de mots, par lequel, quand vous le lirez, vous puissiez comprendre ma connaissance du mystère de Christ, lequel ne s'était pas fait connaître aux fils des hommes dans les autres âges, comme il est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Que les gentils devaient être cohéritiers et d'un même corps, et participant de sa promesse en Christ par l'Évangile, duquel j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'œuvre efficace de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée afin que je prêche parmi les gentils les richesses insondables de Christ, et de faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du monde, a été cachée en Dieu et qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, de façon à ce que maintenant les nombreux aspects de la sagesse de Dieu soient donnés à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église, selon le dessein éternel qu'il a projeté en Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je désire que vous ne vous lassiez pas à cause de mes tribulations que j'endure pour vous, ce qui est votre gloire. C'est pour cela que je ploie mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre est nommée, afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son Esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ demeure dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant, à celui qui est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous, à lui soit gloire dans l'Église par Christ Jésus, à travers tous les âges, monte sans fin. Amen. Éphésiens chapitre 4. C'est pourquoi je vous supplie, moi le prisonnier du Seigneur, que vous marchiez d'une manière digne de votre appel, avec toute humilité et soumission, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, essayant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés en une espérance de votre appel. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, quand il est monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Maintenant qu'il est monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu premièrement dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin qu'il puisse remplir toutes choses. Et il a donné certains comme apôtres, et certains comme prophètes, et certains comme évangélistes, et certains comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que désormais nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur habileté séductrice avec laquelle ils mentent et séduisent, mais, disant la vérité dans l'amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu'à lui qui est la tête, Christ, de qui le corps entier, adéquatement ajusté et serré ensemble par ce que chaque jointure procure, selon le travail efficace assigné dans la mesure de chaque partie, produisant ainsi l'accroissement du corps pour son édification dans l'amour. Voici, je dis donc et témoigne dans le Seigneur que désormais vous ne marchiez plus comme le reste des gentils marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur compréhension obscurcie, étant aliénés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux à cause de l'aveuglement de leur cœur, qui, ayant perdu tout sentiment, se sont abandonnés à la lascivité pour commettre avec avidité toute impureté. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, puisque la vérité est en Jésus, à vous dépouiller, quant à votre ancienne conduite, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Dieu, en justice et véritable sainteté. C'est pourquoi renonçant au mensonge que chaque homme parle la vérité avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Et ne donnez pas non plus accès au diable, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, faisant avec ses mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne à l'usage de l'édification, afin qu'elle administre la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume et colère et courroux et clameur et médisance soient ôtées du milieu de vous, ainsi que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, avec le cœur tendre, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu même, pour l'amour de Christ, vous a pardonné. Éphésiens chapitre 5. C'est pourquoi soyez des disciples de Dieu comme de chers enfants, et marchez dans l'amour comme Christ aussi nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en offrant des sacrifices à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Que ni fornication, ni aucune impureté ou convoitise ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Ni souillure, ni paroles insensées, ni plaisanteries, lesquelles ne sont pas décentes, mais plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, que ni fornicateur, ni personne impure, ni homme cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qu'aucun homme ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Ne soyez donc pas participants avec eux. Car vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de l'Esprit est en toute bonté et droiture et vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez aucune affiliation avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt réprouvez-les. Car c'est même une honte de parler de ces choses qui sont faites par eux en secret. Mais toutes choses qui sont réprouvées sont rendues manifestes par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. » Veillez donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne manquez pas de sagesse, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Et ne soyez pas enivrés par le vin, dans lequel il y a de l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit. Parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur, remerciant toujours Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. C'est pourquoi, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier et la purifier par le lavage d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même, une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Ainsi les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car nul homme n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Seigneur l'Église. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, mais je parle concernant Christ et l'Église. Néanmoins, qu'ainsi chacun de vous en particulier aime sa femme comme lui-même, et que la femme veille à respecter son mari. Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, avec votre cœur entier comme à Christ, pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ faisant du cœur la volonté de Dieu. servant avec bienveillance, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que, quelle que soit la bonne chose que l'homme fait, il recevra l'identique de la part du Seigneur, qu'il soit asservi ou libre. Et vous, maître, faites la même chose envers eux, abandonnant les menaces, sachant que votre maître est aussi dans le ciel et qu'avec lui il n'y a pas de distinction de personne. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de son pouvoir. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs de ce monde d'obscurité, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, et ayant tout surmonté, tenir debout. Tenez-vous debout donc, ayant vos reins ceints de vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable d'éteindre tous les dards enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priant en tout temps, par des prières et supplications dans l'Esprit, en veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Et pour moi que la parole puisse m'être donnée, afin que j'ouvre ma bouche avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur dans les liens, qu'en cela je puisse parler hardiment comme je dois parler. Mais afin que vous connaissiez mon état et comment je vais, Tychique, le frère bien-aimé et fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera connaître toutes choses, lequel j'ai envoyé vers vous avec cette intention, afin que vous puissiez connaître notre état et qu'il puisse consoler vos cœurs. Paix soit aux frères et l'amour de Dieu avec foi, de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en sincérité. Amen.